Je rajeunis quand l'illusion était, mais désormais tout se dégrade. De grade en grade, le ciel, le temps. Suspend, et la neige efface tout, des rêves. Je reste en décomposition. Quelle était l'envie? Je ne sais plus. J'attendais le moment, j'ai loupé. Assez. Je dis mal, il y a beaucoup de je n'avais rien d'autre que la douleur. Je pensais qu'un jour, mais l'espoir. Mes projets anéantissants pour l'être que j'étais, et me voilà rongé, rouillé, rien n'aimé. Et j'en reviens à la haine de l'humain, à en vouloir, l'anéantissement total. Comment nier ces visions quand de eux rien n'est bon? Une vie pour n'en voir rien n'est bon. Rien de bon. Isolé dans les caves d'un monde à part, prologue d'une vie sans écart, les ténèbres froides noires, isolé de toute émotion, isolé de toute émotion, sentiment, une illusion et personne ne comprend, pas de répit pour la demi-sensation. J'ai raison, je viens pas confronter mon âme pour en faire les confrères de perdre. Perdre toute la vigueur, perdre insensé toute la vigueur. J'arrête dans la foulée, la douleur, pas de chier. Par la vie au professeur, voudrait en fait en plus tous les mains qui se constituent et les andouilles, enculés, si je pouvais. L'univers entier, en bas, les vies. Société, enculé à sec. Société, je vois plus. D'un coup, je vois plus. Où tu fais que je suis. Dans cette vie de chien, très bien enculé. La mort, lumière, une alternative. De la solitude que l'on fait à ta place. Oh, de voir ce destin humaine et de la certitude dans les rues on devra réussir comme un campagne ou bien ça repart de malheur. Oh, poisonne des glaces, l'avenir nous laisse trois plus sa place. Juste là en face des lieux et des traces de ce qui nous casse. Un autre siècle passe des yeux, des grâces. Liquide, fluide, quand les pierres érodées, la roche durant l'univers et l'homme passe détruit, le paysage casse la pierre et le laisse pour après. Que les restes, casse les tonnes de déchets, de la poussière, de vie, si la vie est là, bon. Humain, on est là, hein. Afin de préserver la terre, faut-il éliminer l'humain ou bien continuer jusqu'à plus rien, jusqu'à ce que les nations prennent décision jusqu'à la mort. Dernière éphémère, que dire de mal le père, aussi simple de le défaire, à quatre pattes, au parterre, je m'irai pas de voir, non, dormir des désespoirs. T'as toujours raison, toi t'es J'encule tous les présidents, j'encule même tout ce qui est bon. J'encule même la maman, j'encule une voix incandescente, tout le reste de la France, j'encule toutes les religions, j'encule même les religieux. Les protestants, j'encule même leurs parents. J'encule tous les administrations. J'encule même l'enfant, tous les gens. J'encule les fous sur leur Insta. J'encule ces putains de ceux qui cherchent sur leur opportunité. S'ils pouvaient en être, devoir se l'être. Leur péter l'opercule. Sans risque de discord, sans avoir pour ton pognon bien adéquate, bien en dessus de ça, bien adéquate. Bien au-dessus de toi. tout ça, déchu, déchu. Thank you.